Bonjour Raymond Poirier. Bonjour. Alors voilà. Alors Raymond, on va parler numérique puisque c'est le sujet de la chronique, mais des astuces pour utiliser le web de façon éco-responsable. Parce que même en web, on peut être éco-responsable. En fait, on devrait tendre à l'être, ouais, évidemment, mais... parce qu'on sait, on s'en doute peut-être, mais on l'oublie peut-être aussi parfois que la toile a une empreinte carbone quand même relativement considérable. Enfin, on parle d'à peu près 2 % des émissions de carbone à l'échelle mondiale qui sont émises. J'avoue que, excuse-moi, mais je suis un peu étonnée. Je l'oubliais même pas, que j'y pensais même pas, en fait. Là. Oui, puis dans l'absolu, c'est plus que l'aviation civile, là, c'est en exagérant à peine. Le développement de l'Internet, la réduction de la facture numérique et le reste, les objets connectés permettent de plus en plus d'usages, permettent de plus en plus de gens permettent à plus en plus de gens d'utiliser justement le web. Mais évidemment, il faut aussi avoir une préoccupation, si on peut dire, face à l'impact que ça peut avoir. Mais j'avais l'impression que le web était à la base éco-responsable. Tu sais, parce qu'on n'envoie plus de factures, c'est pas bon les factures papier, on a tout par Internet. On a l'impression que c'est l'affaire la plus éco-responsable, mais Oui, mais en fait, ça demande c'est des fou, actions, hein? Les actions demandent de l'énergie, l'énergie demande... Oui, effectivement. On fait la suite et on parle de moteurs de recherche, par exemple, c'est peut-être le premier truc qu'on pourra se donner. Chaque recherche tapée en ligne relâche à peu près 0,2 g de CO2 dans l'atmosphère. Alors, on imagine l'impact de 100 milliards de recherches effectuées tous les mois. C'est 2,4 milliards de grammes de CO2 par année. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Je suis vraiment étonnée. Alors, évidemment, quand on parle de bonnes pratiques et du web, ça veut dire qu'il faut réduire l'utilisation qu'on fait de moteurs de recherche. Donc, pas complètement, évidemment, parce que on en a besoin. Mais par contre, si on sait l'adresse du site web qu'on va aller visiter, pourquoi ne pas l'inscrire directement plutôt que d'aller la rechercher avec quelques mots-clés? S'il y a des adresses qu'on fréquente régulièrement, les ajouter dans les barres de favoris. Et si il faut faire des recherches, il n'y a pas nécessairement obligation, même si Google et autres, Facebook, travaillent à réduire évidemment leurs émissions de carbone, mais il y en a d'autres, des moteurs de recherche qui en ont fait leur pain et leur beurre, si on peut dire, donc de contrebalancer cet impact-là. Je donne un exemple précis, Ecosia. Donc ça, c'est une entreprise installée à Berlin, une entreprise qui propose un moteur de recherche orienté vers la protection de l'environnement. Donc ce qu'on dit, c'est que 80% des revenus de l'entreprise qui sont générés par de la publicité en ligne sont utilisés pour planter des arbres un peu partout dans le monde. Alors, elle dit pour l'instant avoir contribué à planter plus de 11 millions d'arbres à partir de ses 5,5 millions d'utilisateurs. Alors, si vous cherchez là-dessus, vous savez que une bonne partie des revenus est employée donc à la plantation d'arbres. Il y en a quelques-uns à comme choisir. Ça. Qui propose des éléments similaires. Et même, si on pousse un peu plus loin, on sait qu'il y a beaucoup de publicité sur le web et il y a aussi plusieurs engins comme Adblock, qui est le plus populaire, qui servent à bloquer les publicités qui sont en ligne, donc à les remplacer par autre chose ou les éliminer tout simplement. Et si on décide d'être un peu plus social engagé, on peut utiliser une application qui s'appelle Goodblock. Donc c'est comme Adblock, mais ce que ça fait, c'est que ça n'élimine pas les publicités, ça les remplace. Ça les remplace par d'autres publicités qu'on dit plus sobres, qui vont par leurs revenus permettre de financer des causes environnementales et humanitaires. Alors on amasse des fonds avec les publicités qu'on vend via cette addition là. Et c'est ensuite versé à diverses associations. Et il y en a d'autres aussi, des petits outils comme ça qu'on peut acheter parce qu'on peut ajouter différentes extensions, si on peut dire, à nos moteurs Internet. Alors, on peut télécharger Goodblock. On peut aussi télécharger Tab for a Cause. Alors, ça, c'est une application qui, à chaque fois qu'on ouvre un nouvel onglet, ça remet automatiquement de l'argent encore là à des causes caritatives. Pourquoi pas? Tant qu'à choisir, là, je veux dire. C'est une bonne cause. Évidemment, il y a toujours la préoccupation face à l'usage de ce qu'on appelle le cloud, donc le nuage, l'info nuagique. Ouais. Donc, l'idée qu'on peut stocker nos informations de manière virtuelle plutôt que de manière réelle. Donc, c'est quand même assez pratique dans la mesure où ça nous permet d'avoir un accès généralisé à nos informations sur à peu près tous les postes. Donc, il y a cet aspect pratique-là, mais évidemment, ça génère aussi beaucoup d'énergie. Donc, ces informations-là sont stockées dans des centres de données. Les centres de données, c'est des méga-fermes d'ordinateurs et de serveurs. Un centre de données consomme à peu près autant d'énergie que l'équivalent de 65 000 foyers américains. Évidemment, on en a probablement déjà parlé dans les chroniques ici à CKRL, mais il y a plusieurs centres de données qui en sont évidemment conscients et qui essaient de limiter leur usage électrique, leur usage énergétique. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a beaucoup de centres qui s'installent dans les régions nordiques parce que c'est plus froid, donc il y a moins d'énergie à mettre au refroidissement. C'est pour ça qu'il y a d'autres centres qui essaient de récupérer la chaleur générée par les ordinateurs pour aller chauffer d'autres édifices attenants. Mais évidemment, il y a aussi des trucs très simples qu'on peut mettre en place pour réduire notre impact sur le virtuel. Entre autres, en fait, peut-être se dire, se donner un défi. Tiens, 30 courriels par jour, donc on va effacer dans nos milliers de courriels qu'on accumule sur nos boîtes virtuelles. Ouais. Mais si on en efface une trentaine par jour, déjà on réduit un peu le stockage. Évidemment, on suggère, a-t-on besoin de le répéter, de fermer l'ordinateur le soir, de fermer aussi le modem. Pourquoi pas si on est obligé de laisser l'ordinateur au Québec, ouvert? En fait, Raymond, je pense qu'on s'en rend pas trop compte parce que l'électricité veut pas bien que ça commence à coûter cher, là. Mais en Europe, tu laisses ton ordinateur 5 minutes, les gens disent, ferme-le, là, tu sais, puis vaut mieux le fermer, réouvrir. Semble-t-il, c'est plus économique que de le laisser ouvert, semble-t-il. Exactement. Et dans même tout si ça aussi. Même si on part pour un court laps de temps. Et dans tout ça aussi, ben de penser peut-être au disque dur externe. Si on juge que le disque dur virtuel, donc l'info nuagique, n'est pas nécessairement nécessaire, évidemment, il y a toujours différentes autres préoccupations. On parlait quand même de questions de sécurité, mais tout de même, ça devient des portes. Je parlais des courriels tantôt. En fait, on parle quand même évidemment de choses qui ne sont pas carboneutres. Là, on parle à peu près un spam qui émet en moyenne 0,3 grammes de CO2, 4 grammes pour un courriel classique. Plus les pièces jointes sont grosses, ça peut monter jusqu'à 50 grammes aussi. On parle quand même de 10 milliards de courriels qui sont émis à tous les heures. Alors, c'est l'équivalent peut-être de 4 000 allers-retours Paris-New York en avion en termes donc, d'impact. Un chiffre comme ça, c'est affolant, là. C'est impressionnant. Ça a l'air de rien, tellement que ça a l'air de rien, que ça m'impressionne ce que tu me dis là. Je suis un peu estomaquée. Alors, dans ces cas-là, ben, la question, c'est de se poser, quand on envoie un courriel, ben, est-ce qu'on a besoin de répondre à tout le monde ou à juste une personne? Est-ce qu'on a besoin de répondre? Est-ce qu'on a besoin de mettre une pièce jointe très grosse? Est-ce qu'elle peut être compressé? Est-ce qu'on peut envoyer un fichier zip qui va être moins important? Est-ce qu'on peut parler au téléphone plutôt que d'échanger 24 courriels sur une petite question qui pourrait être réglée en une minute ou deux? Oui, se parler serait plus écolo que s'envoyer des courriels. Et à la limite, on peut aussi penser à réduire un peu les abonnements aux courriels aux lettres courriels qu'on ne lit pas nécessairement. Donc un outil comme CleanFox par exemple peut donner un petit coup de pouce, et on peut aller chercher aussi d'autres types de boîtes courriels que celles classiques de Google, Microsoft et autres. Celle qui est suggérée dans différentes sources, c'est Newmanity, alors qui alimente ses serveurs à l'énergie renouvelable et qui n'utilise pas les données de ses utilisateurs pour des fins commerciales, alors qui essaie de compenser aussi ces usages là alors ça peut être aussi une option. Facebook, tout ça, est-ce que ça consomme... c'est la même comme chose. Comme les courriels, comme le reste. Chose, oui. Hein, oui. Et c'est pas pour rien qu'ils travaillent aussi là-dessus, parce que veut pas, on en parle là ce matin, évidemment je suis pas le premier à en parler, et cette préoccupation est présente parce qu'on sait aussi qu'il y a une question d'image, autant pour Internet que pour la compagnie elle-même, et quand on parle de compagnies comme Google ou Facebook, c'est à la fois l'image du web et l'image de la compagnie qui est portée, parce que pour beaucoup, c'est Internet, c'est Facebook d'abord et avant tout, ou c'est Google d'abord et avant tout. C'est pour ça, pour nous, en fait, l'image d'accueil du web, c'est l'engin de recherche, c'est pas ce qui est contenu dans les ordinateurs auxquels on a accès. Et évidemment, ben, enfin, un des usages qu'on utilise aussi le plus souvent, c'est la question du streaming, donc de la vidéo en ligne. Donc encore là, on imagine que ça a un impact quand même assez fort, ne serait-ce que la quantité de vidéos qui sont mises sur YouTube, Netflix et autres, et qui sont écoutées à chaque heure, c'est tout aussi astronomique. Alors ce qu'on dit, c'est peut-être justement... Mais en fait, c'est moins blanc et noir là-dessus, parce que il y a des études qui disent que le streaming est plus nocif que le DVD, il y en a d'autres qui disent que le DVD est plus nocif que le streaming. Okay. Donc c'est pas encore très clair, mais évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que si on est en mesure de limiter un peu ou de limiter notre binge watching, de pas nécessairement écouter pendant une semaine sans arrêt, ben évidemment, il y aura un impact, mais il y a une zone de gris là-dessus. Ce sera intéressant de voir dans les années à venir là s'il y aura évolution. Oui, c'est ça. Puis puis qu'il y a de plus en plus des études sur le sujet, des analyses et des rapports qui seront faits au fil des nouvelles découvertes. Plus ça devient une préoccupation, plus on en parle, plus il y a des études. Oui. Et parallèlement, mais il y a aussi des bons usages par rapport à nos appareils, parce que bon, on se connecte sur Internet avec l'ordinateur, mais avec plein d'autres aussi. Alors, on peut adopter quelques réflexes de base. Donc, par exemple, pas avoir nos appareils branchés en tout temps. Donc, quand on parle de tablettes et téléphones, à un moment donné, quand ils sont à 93%, on n'a pas nécessairement besoin de le rebrancher. On peut le laisser descendre. Un ordinateur même mis en veille continue de consommer de l'énergie aussi. Alors, on peut, comme on le disait tantôt, l'éteindre. Et on peut réduire, donc fermer les connexions Internet, fermer les téléphones cellulaires la nuit, pourquoi pas, aussi pour réduire la consommation qu'on en fait. Et même si on pousse encore un peu, il y a une autre tendance qui se développe, c'est la conception web éco-responsable. Donc, l'idée qu'on va créer des sites web qui vont être pensés dans une logique d'éco-responsabilité, donc en obtenant le meilleur compromis entre la performance du site, l'attractivité du site, mais aussi l'impact que ce site-là va avoir sur l'environnement. Alors, il y a plein d'impacts positifs, plein d'intérêts à faire tout ça. Bon, on en parle depuis tantôt, réduire la consommation d'énergie, diminuer les requêtes au serveur et le reste. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a différentes compétences et qualités en fait qu'on peut essayer de mettre en place pour réduire comme ça donc l'impact écologique en pensant à l'hébergement du site, donc sur des serveurs qui eux aussi sont éco-responsables, d'avoir une conception fonctionnelle, graphique, technique qui est moins énergivore, donc essayer de réduire au maximum le nombre de scripts, essayer de réduire au maximum le nombre d'images qui seront nécessaires, peut-être penser à avoir des sites sur des fonds un peu plus foncés avec des lettres claires pour réduire la luminosité. Donc plein de grands principes comme ça qui sont mis en place, qui ont été proposés pour essayer de concevoir autrement des sites Internet. Il y a même des livres qui ont commencé à être écrits sur cette tendance-là de la conception. Est-ce que si je suis branchée en extra haute vitesse, est-ce que ça a un impact aussi, la vitesse? On envoie plus vite le même nombre de données. C'est la même chose. Exactement. Ce qu'il faut réduire, c'est les données qui sont envoyées ou les données qui sont émises ou contenues. La vitesse en soi ne change que peu de choses. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir à quel point les données peuvent être comprimées une fois que nous, on les envoie, parce que, dans le fond, le courriel est comprimé, séparé, modifié. Ouais. Donc, encore là, il peut avoir un impact favorable en cours de route. Étonnant. Raymond, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le sujet. Bon, on va essayer de faire un peu de ménage dans ces boîtes de courriel. Merci beaucoup et bonne journée.